那你咋？我别听，我是个女孩子，懂 我去考北方人去了，明天早上带你去考试。哪里啊？弟，山西马鞭俺都去。 そして見て見て愛よ。そして見て見て愛よ。C'est une maman qui accepte de souffrir pendant 9 mois pour que ce bébé vienne moi. Et avec beaucoup d'affection maternelle que les mamans doivent avoir, je ne pensais pas que celle-ci peut un jour laisser passer la nuit à la belle étoile, son enfant bien-aimé. Son enfant bien-aimé, yeah, yeah, yeah. Je ne crois pas, bien. Mais parfois, cette nuit à la belle étoile est due à des réalités. Oh, oh, oh. Les parents peuvent parfois mourir. Les accidents peuvent aussi souvenir. Oh, oui. C'est la vérité, moi. C'est la vérité, moi. C'est la vérité, moi. C'est la vérité, moi. C'est pitié. Pitié, pitié, aïe, c'est pitié, pitié, pitié, aïe. Aujourd'hui, je suis dans la rue, à 100 minutes, à la belle étoile, à la belle étoile, parce qu'on me traite des sorciers. Bien que je ne les suis pas, c'est la vérité, moi, c'est la vérité, moi. J'ai souffré dans la rue, cherchant à manger. C'est la vérité, moi, c'est la vérité, moi. C'est là mes pouces à voler, pour après être haussé. C'est la vérité, moi, c'est la vérité, moi. Mais ce n'est pas ce que je compte dans ma vie. Je voulais aussi être à l'école, mon stylo à la main, écrire comme les autres. Moi je pleure, pipa, qui peut me sauver, qui peut me crier. Personne ne peut ignorer qu'il était comme un enfant. C'est la vérité, moi. C'est la vérité, moi. Même Jésus-Christ que nous adorons et tout le grand de ce monde. C'est la vérité, moi. C'est la vérité, moi. Personne n'a jamais su surpasser cette étape. C'est la vérité, moi. C'est la vérité. Pourquoi vous me laissez souffrir? Pour qu'à la fin je termine ma vie sous le verrou. Et moi qui suis un être sacré et l'avenir de demain. C'est la vérité, c'est la vérité. Yeah, yeah, yeah. My name, mom. C'est bon. The shit. Mite, mite, aïe, rapitani, rapitani. Mais je me plains parce qu'on est tu dans la rue. Je me plains, mais je me plains. Parce qu'on est tu, aïe, pianini, pianini, pianini. Société, mité, mité, pianini, aïe. kota manga ni kola so shite nite nite ayo kasi ni sungi ango ko hotel anga pipo wa pio so shite nite nite Sous-titrage Société Radio-Canada.